for the songs. My daddy, amour papier langue air, itala di, itala sini. Amour papier langue air, itala, itala, itala de. Amour papier langue air, itala di, itala sini. Amour papier langue air. Ningo kele iko fila, derube niye tu mami ibe maroya. Iko wari ngima, iko sani ngi, iko kanu nanyere di. Alibi, alibi, alibi song, idara kambo, idara kambo yo sufe bukela, idara kambo yo sufe bukela. Ningo kele, ibe mfude, yorabe, ibe mfude. Ningo ngo, ibe mfude, mabe, ibe mfude ngo. Ale amuru papie longer mi, ntala bi, ntala sini. Amuru papie longer, ntala, ntala, ntala de. Amuru papie longer, ntala bi, ntala sini. Amuru papie longer, ntala, ntala, ntala de. Tu n'écoutes que les papatos, tu ne crois qu'aux papatos. Tu n'écoutes que les Tcharchéli, les Nafidi et les Sochila. Tu n'écoutes que les papatos, tu ne crois qu'aux papatos. Tu n'écoutes que les Tcharchéli, les Nafidi, même les Karabanki. Mais tu dis 50, 50.